pas coté. J'rappe les mains dans la fosse sceptique. J'suis là pour froisser le but, t'es qu'un suceur. Donc j'reste sceptique, les vrais sont réceptifs. J'réponds ça va, mais j'm'arrache les tifs. Le teint pâle, les yeux rouchants, une dégaine chétif. Les boycotter le collectif, j'suis sûr que tes collègues kiffent. Ma haine j'dépose dans un spliff. On rap ça, les ça fait la diff. J'reste pragmatique, j'entends que ça parle de ma clique. Pas canard dans l'équipe, ça pense qu'avec sa bite. Parle pas de peser ses couilles, si tu fuis quand ça sent les coups. Sauvage depuis les cours, on a grandi sans recours. La jalousie attise l'envie, ruelle son corps en pli de douille. Vaut mieux éloigner ta tête de cette sale cramouille. Fais pas le narvalo, espèce de fils de fille de joie. J'ai plusieurs démons, je me méfie de tout et même de moi. J'suis sorti ça fait 6 mois, je donne peu de nouvelles, ça fait si mal. Insta animal, frère j'ai la dalle, pire qu'un cannibale. Frère j'ai la dalle, pire qu'un cannibale. Xar, à la prod. Tic sac dingri, agent V, les boycottés. Rien d'amical, hein. Nanana. Rien d'amical. Rien d'amical. Avec le temps, j'ai vu que les amis taillent. J'aurais le salaire d'Abidal, je traînerai pas à la recherche d'un billet. Pas de pilier ou d'épaule quand ça va mal pour s'accouder. Je kick sur une Xar prod, donc je me dois de lâcher un sale couplet. Sale comme la vision d'un Schmitt et d'une pouca avant 30 s'accoupler. Pas de fin gourmet, fais pas le gourmand, tu risques de te faire goumer, putain. Nos jours les petits sont remplis de toupies. Ma tête tombe pire qu'une toupie. Ça sert à rien que je soupire. Je mène une vie de chien, mais j'ai pas la belle vie d'art Snoopy. T'as le sourire un bâtard de nous voir souffrir. Je suis sous shit. Oui quand je m'évade y'a plus de soucis. Peu docile. Quand la bague tape à ma porte, je me bagarre à la mort. Les coups dans la gueule, je crois que j'adore. Peu d'accord pour s'en sortir, une solution j'élabore. Quand je te baisse j'ai la barre. Je traîne là où il se fait tard. Pas de revenus narvalo, je touche même pas la paye d'un smicard. Même pas la paye d'un smicard. Agent putain de V. Les boycottés. Xar, xar, xar, xar à la prod.